Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout arrêtent, dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois. Dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.